je lutte. J'attends l'arrêt de jeu pour faire un entre-deux, un truc faramineux. Le foot ne gâchera pas mon samedi. La coupe est pleine pour aujourd'hui. Encore mieux qu'un pénalty. Je vais siffler la fin de partie. La fin de partie. Du corps à corps. J'en veux.